idée remonte à 1895 et a été inspirée par la Tour Eiffel. C'est en voyant le monument que le pionnier russe de l'astronautique Konstantin Tsiolkovsky imagine une tour de 36 000 km de haut qui permettrait d'amener des charges en orbite terrestre. Ainsi naquit le concept d'ascenseur spatial, concept popularisé par la science-fiction et par le roman d'Arthur C. Clarke, Les Fontaines du Paradis en 1978. Aujourd'hui encore, le concept laisse le plus souvent dubitatif, voire moqueur. Pourtant, les obstacles tombent les uns après les autres. L'ascenseur spatial pourrait-il, d'ici quelques décennies, devenir une réalité ? Ascenseur spatial, aller plus haut, c'est le programme qui monte, qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer la part de réalité scientifique et de fantasme autour de cet ascenseur spatial, j'ai le plaisir d'accueillir celui de qui tout est parti autour d'une tasse de café un matin ensoleillé dans le Gers pendant le Festival d'astronomie de Fleurance. Bonjour Jérôme Pérez. Bonjour Nicolas Martin. Je vous attribue donc la paternité de cette émission. Vous êtes enseignant-chercheur en astrophysique théorique à l'ENSA Paris, Institut Polytechnique de Paris. Et j'ai le plaisir également d'accueillir Christophe Bonal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur au CNES, président des commissions débris spatiaux de l'Académie internationale d'astronautique. Mais on commence par celle qui prend toujours les escaliers, au moins pour venir en studio. C'est Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence avec une étude parue hier dans la revue Nature Medicine. Grâce à des implants, trois patients paraplégiques ont retrouvé l'usage de la marche. Une équipe suisse présente les résultats de ses essais d'une nouvelle technologie avec des résultats assez impressionnants. Alors le principe de ces implants, c'est de stimuler la moelle épinière en dessous d'une lésion de façon à réactiver les muscles des jambes. Alors cette équipe avait déjà fait un premier travail chez l'humain en 2018, mais avec des patients qui avaient des lésions incomplètes. Cette fois-ci, c'est avec trois patients qui ont des lésions complètes de la moelle épinière et qui n'avaient jamais remarché depuis leur accident. La stimulation électrique épidurale n'est pas nouvelle, c'est une technologie qui est déjà appliquée pour le traitement de la douleur, mais ici les chercheurs leur ont implanté de nouvelles électrodes. Dès les premières impulsions électriques, les patients ont pu faire un pas. En 4 mois, ils peuvent tenir debout pendant 2 heures, marcher 1 km sans s'arrêter ou encore nager. Des essais cliniques à grande échelle devraient avoir lieu cette année. Jocelyne Bloch est professeure de neurochirurgie à l'hôpital universitaire CHUV à Lausanne. Elle a co-dirigé cet essai. Tout d'abord, la première étape, c'est de mettre en place les électrodes et le neurostimulateur. Donc, il s'agit d'implanter une languette de silicone avec 16 électrodes qui sont bien espacées de façon à stimuler les différentes racines nerveuses. Et ensuite, ces électrodes sont liées à un pacemaker qui est implanté, lui, dans la région abdominale, donc dans le ventre sous la peau. On mesure ensuite l'activité de chacune des électrodes, qu'est-ce qu'elle est capable d'activer. Et ça, c'est l'objet d'une semaine de cartographie où on va bien comprendre qu'est-ce qu'on doit activer pour pouvoir enclencher une marche. Et puis ensuite, une fois qu'on est prêt, le patient se met debout et puis on met en route des programmes de stimulation qui vont induire de l'activation des jambes, la droite, gauche, flexion, extension, de façon à mimer la physiologie de la marche naturelle. Alors les résultats sont, on va dire, immédiatement très très époustouflants, vu que immédiatement des gens qui ne pouvaient pas du tout bouger leurs jambes et qui ne sentaient rien, une fois qu'on les met debout, qu'on les aide, bien entendu, on prend un peu de leur poids pour que ce soit plus simple pour eux, ils sont dans un robot qui les assure. Mais à partir du moment où on met en route le programme, tout de suite ils se mettent à faire des pas efficaces et ils avancent, quoi. Après, c'est qu'un début. Ils ont besoin d'un entraînement pour rebâtir leur musculature, parce qu'il faut bien s'imaginer que ces personnes étaient en chaise roulante depuis des années avec plus trop de muscles, et il faut rebâtir sa musculature, et c'est un entraînement pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, à raison de 4 à 5 fois par semaine. Alors je pense que c'est une percée importante, surtout parce que pour la première fois, on met au point une technologie dédiée, qui est véritablement faite pour les paraplégiques. Et là, pour la première fois, une entreprise, parce que Onward, qui est une entreprise avec laquelle on travaille, développe des neurostimulateurs et des électrodes qui sont faites pour traiter des paraplégiques. Et ça, c'est une percée, parce que ça veut dire que dans l'espace de quelques mois ou années, une fois qu'on aura vraiment montré que c'est efficace, on pourra enfin avoir un véritable traitement et on ne restera pas uniquement à l'état de la recherche. Voilà, pour retrouver le lien vers l'étude complète de Nature Communication, comme d'habitude, eh bien vous connectez, vous suivez notre fil Twitter @laméthodefc où nous postons bien tout au long de l'heure et tous les liens vers les études ou vers d'autres liens, vers d'autres pages qui peuvent illustrer notre propos. Et on passe au bref. Le James Webb Space Telescope vient de voir ses premiers photons. La NASA a déclaré que le NIRCam, la caméra infrarouge proche, avait bien enregistré ses premiers photons de lumière. Alors, la lumière provient d'une étoile cible, HD 84-406, une étoile isolée dans la Grande Ourse. Le télescope spatial n'a pas encore les yeux grands ouverts, mais c'est une première étape. Les premières opérations de l'alignement des miroirs ont commencé. Ces trois prochains mois, les 18 segments hexagonaux du miroir vont être ajustés. Les images seront d'abord floues, mais nous recevrons cet été les premières images réelles du James Webb Space Telescope. En Allemagne, les premiers élevages de porcs génétiquement modifiés pour les xénogreffes se mettent en place. Les xénogreffes, ce sont des greffes d'organes qui proviennent d'une autre espèce animale. Les succès des premières xénogreffes aux États-Unis de transplantation cardiaque et rénale chez l'humain semble avoir donné le top départ à cette équipe de l'université Ludwig Maximilian de Munich. Les chercheurs veulent créer des porcs génétiquement modifiés, spécifiquement conçus pour éviter un rejet immunitaire, puis cloner ces porcs pour un élevage. Les premiers animaux devraient être prêts cette année pour des essais de transplantation de cœur chez le singe, puis chez l'humain, avec un essai clinique prévu pour 2025. Cette pratique d'usine d'organes, entre guillemets, soulève de nombreuses questions sur le plan éthique. Voilà, question que nous aborderons non pas demain, mais mercredi prochain dans une émission spéciale, justement consacrée à cette question des xénogreffes. Enfin, et en bref toujours, Natacha, une étude parue dans la revue Current Biology décrit la découverte d'une nouvelle forme d'automédication chez les chimpanzés. Dans le parc national de Loango, au Gabon, des chercheurs ont découvert comment 22 chimpanzés sauvages traitent leurs blessures. Les singes appliquent sur leurs plaies ou sur celles de leurs congénères de petits insectes ailés. Ils le pressent d'abord entre leurs lèvres, puis l'appliquent et le frottent sur la plaie avant de le retirer. On a déjà observé des animaux s'auto-médicamenter chez les grands singes, mais aussi les ours, les éléphants, et on sait que les primates mangent certaines plantes pour lutter contre des parasites intestinaux. Mais c'est la première fois que l'on observe cela avec des insectes. Peut-être qu'ils ont des vertus médicinales inconnues. Mieux comprendre ces comportements pourrait nous aider à mieux comprendre les origines et l'évolution de l'automédication chez l'humain. Merci beaucoup Natacha, à demain pour le prochain Journal des Sciences. Cela fait, on va vrai dire un petit bout de temps que nous avions envie de consacrer une émission entière à l'ascenseur spatial, une émission le mardi, donc une émission a priori scientifique et pas une émission du vendredi qui sont, comme vous le savez, souvent consacrées à la science-fiction. Et je dois dire, cette envie est restée vaine pendant longtemps, puisque à chaque tentative de monter un plateau, de trouver des invités, on nous disait assez invariablement que l'ascenseur spatial, c'était de la faribole pour amateurs de science-fiction et certainement pas un sujet d'astrophysique ou d'astronomie sérieux. Jusqu'à ce matin, donc, du mois d'août dernier, au Festival d'Astronomie de Florence, où autour de la tasse de café s'engagea alors, comme souvent tôt le matin à la Ferme des Étoiles, une discussion passionnée et à bâton rompu sur la possibilité physique et théorique de construire un tel ascenseur avec, dans le rôle du principal turiféraire du projet, Jérôme Pérez, ici présent. Rencontre donc et discussion qui remit sur la table la possibilité d'une émission tout à fait sérieuse sur la façon d'envisager dans un futur pas trop lointain la construction d'un tel équipement. Parce qu'il faut bien l'avouer, pour l'ascenseur spatial, pour l'heure, tout vient essentiellement de la science-fiction et notamment d'un roman d'Arthur C. Clarke, auteur entre autres de 2001, Odyssée de l'espace. Écoutez. En 1979, cela fait déjà une décennie que 2001, l'Odyssée de l'espace, a marqué l'histoire de la science-fiction, et la renommée de Clarke n'est plus à faire. Depuis le Sri Lanka, où il habite désormais, il publie un nouveau roman, Les Fontaines du Paradis. Pour Clarke, c'est l'occasion de populariser un concept encore peu connu à l'époque, l'ascenseur spatial. Les Fontaines du Paradis racontent le parcours de Vannevar Morgan, un ingénieur qui doit expliquer l'ascenseur à des décideurs et les convaincre de l'utilité et de la faisabilité d'un tel édifice. Il veut le construire au sommet de Taproban, une île fictive au sud du Sri Lanka, pour à la fois s'inspirer du pays d'adoption de Clarke et être pile sur l'équateur. Imaginez un câble d'au moins 36 000 km de long, tendu entre l'équateur et l'orbite géostationnaire, qui vous permettrait de vous hisser jusqu'à l'espace sans les très lourdes et très onéreuses fusées. Une fois à cette altitude, il vous suffirait de lâcher un satellite et il tiendrait en orbite. Vous n'avez plus qu'à utiliser ses moteurs pour le déplacer au-dessus de la région qui vous intéresse. Mieux, si vous prolongez l'ascenseur, votre satellite orbite plus rapidement que nécessaire pour rester stable. C'est la force centrifuge qui l'emporte. On dit qu'il a dépassé la vitesse de libération, la vitesse nécessaire pour s'extraire de l'attraction d'un astre. Si vous allez à la bonne longueur de l'ascenseur et que vous lâchez votre satellite au bon moment, vous pouvez l'envoyer visiter la Lune ou le reste du système solaire. Bien entendu, un ascenseur représente un énorme investissement qui se compterait en dizaines, voire centaines de milliards d'euros. Mais une fois construit, il réduirait considérablement le prix d'un ticket pour l'espace. Alors, qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'on attend pour en parler ? Bien, rien du tout, puisque c'est ce que nous allons faire tout au long de cette heure. Une réaction peut-être l'un et l'autre, Jérôme Pérez, pour commencer. Ce qu'il faut rappeler, ce que je disais dans l'introduction, c'est qu'à l'origine, le tout début, la première personne qui envisage cette question de l'ascenseur spatial, à l'époque d'une tour spatiale, c'est bien un scientifique. Donc il y a bien une origine scientifique à ce projet. Oui, c'est Konstantin Sosnovski qui est en visite à Paris à l'exposition universelle et qui voit la tour Eiffel. Et qui se dit, si on continuait, si on faisait une tour encore plus grande, on pourrait bénéficier de tout un tas d'effets gravitationnels qui se produisent au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la Terre et qu'on reste connecté avec elle, et donc on tourne avec elle. C'est l'apparition de la force centrifuge de la vitesse de rotation qu'on va démultiplier par le bras de levier qu'on a en restant connecté à cette tour, qui va permettre d'avoir plein d'applications. Donc c'est la première idée par ce génie de l'aéronautique. C'est lui qui a mis au point ce qu'on appelle l'équation de Tsiolkovsky, c'est l'équation de la propulsion spatiale. C'est vraiment quelqu'un de sérieux. À cette époque-là, c'était un des plus grands spécialistes de ce genre de problème. Alors c'est un peu resté lettre morte après cette idée. C'est un autre russe qui l'a reprise au milieu du XXe siècle. Qui a fait des calculs. Tsiolkovsky avait peut-être fait des calculs, mais il n'avait pas publié des choses. Et le premier vrai calcul sérieux, c'est un russe qui fait ça dans le milieu du XXe siècle. Et là, Yuri Atsutanov, en 57. Exactement. J'osais pas le dire. vous voyez, je me suis planté. Donc. Et donc là, il commence à faire des calculs et il s'aperçoit que ça pose d'énormes problèmes de mécanique, en fait. Avec les matériaux qu'on connaissait à cette époque-là, ça marche pas du tout. Le poids, les contraintes imposées à la structure font que ça s'écroule, ça casse, enfin ça résiste pas. Donc ça redevient de la science-fiction. C'en était toujours, mais c'est vraiment quelque chose de complètement impossible. Et donc il y a des Américains aussi dans les années 60-70 qui font des petits calculs pour savoir à quoi ça pourrait servir. Qui publie dans Science tout de même, oui, en 66. Acta Astronautica, c'est-à-dire c'est une revue tout à fait sérieuse. Les Russes ont publié dans des revues russes. Et l'Américain, c'est Pearson qui publie dans Astronautica. Astronautica, oui, c'est une revue avec référie, c'est-à-dire que on peut pas publier sans que ça soit relu par des pairs, et donc c'est tout à fait sérieux. Et y a, avant Pearson en 75, il y a donc quatre Américains qui publient dans Science le 11 février 66. Isaacs. Voilà, c'est ça. Un mot peut-être, Christophe Bonnel, là-dessus, sur cette historique avant d'en arriver aujourd'hui. Tout à fait. Ces Américains qui avaient publié en 67, Isaacs et sa troupe, c'était des océanographes qui étaient habitués, eux, à aller fouiller les grandes fosses marines. Donc, qui avaient l'habitude de déployer des câbles et autres et qui ont trouvé pas mal de techniques là-dessus. J'ai juste une petite remarque. Donc, dans le lancement, là, donc, ce que vous présentez, c'est vraiment Arthur C. Clarke et tout. C'est pas très scientifique comme truc. Et donc, réellement, je voudrais revenir sur ce que disait Jérôme. C'est le premier vraiment à avoir fait ça de façon vraiment très très fouillée, c'est Jérôme Pearson. Oui. Et Arthur C. Clarke s'est appuyé fondamentalement sur Pearson, il se voyait tout le temps pour écrire son bouquin. Et donc là, à ce stade, ce qu'il faut comprendre, c'est Pearson avait fouillé, on en parlait tout à l'heure ensemble, il y avait tout, il y avait la dynamique du câble, il y avait la résistance et tout, etc. Et il y avait juste un petit truc qui allait pas, c'est la résistance du câble. Il fallait un câble en diamant monocristallin, un truc pas forcément qu'on trouve sous le sabot d'un cheval. Et donc c'était le petit truc qui allait pas et qui a bloqué le projet jusqu'aux années 80-85 et la révolution des nanotubes de carbone. Donc nanotubes de carbone, qui sont des espèces de micro-tubes beaucoup plus fins qu'un cheveux en carbone de forme un peu hexagonale et avec des propriétés mécaniques et autres absolument bluffantes. Mmh. Complètement. Et donc là, du coup, là, l'ascenseur spatial est revenu pour la petite histoire, d'ailleurs, les nouvelles éditions des Fontaines du Paradis, il ne s'agit plus de monocristal en diamant, mais il s'agit bien de nanotubes de carbone directement. Hein, ils ont trouvé. Et on va revenir tout à l'heure sur les nanotubes de carbone. On va examiner justement aujourd'hui concrètement quels sont les obstacles. Et puis, comme vous le disiez d'ailleurs, Christophe Bonnel, vous-même, petit à petit, on se rend compte qu'effectivement, il reste des obstacles, mais un par un, ils sont franchis, on commence à avoir arrivé à quelque chose qui n'est pas possible dans les 10 ans qui viennent, mais peut-être quelque chose qui pourrait être envisageable dans le futur. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15, nous parlons donc d'ascenseur spatial en compagnie de Jérôme Pérez et de Christophe Bonnel. Messieurs, je vous propose de repartir vraiment depuis le début. On parle de câbles, on parle d'orbite géostationnaire. Donc, on va reposer les bases aujourd'hui. Jérôme Pérez, à quoi devrait ressembler un ascenseur spatial ? C'est essentiellement un câble qui est attaché à l'équateur et qui tient, on va dire, tout seul par les différentes forces qui lui sont appliquées s'il est suffisamment long. Donc ça, c'est un exercice de mécanique que j'ai posé, par exemple, au concours Minpon, dont je suis responsable des épreuves écrites de physique. C'est un peu ça qui m'a amené à ce problème. Hein. Quand on écrit les équations correspondantes à ce problème, quelle est la longueur d'un câble qu'il faudrait déployer pour qu'il tienne tout seul s'il était simplement fixé à l'équateur terrestre et entraîné par la rotation de la Terre ? Eh bien, quand on écrit ces équations et qu'on résout le problème, on s'aperçoit que le problème a une solution. Enfin, il en a même plusieurs. Donc le câble a une longueur d'une centaine de milliers de kilomètres. Suivant sa composition, il est plus ou moins épais, plus ou moins large. Il faut équilibrer les forces. Quelles sont les forces et pourquoi 100 000 kilomètres ? Alors, les différentes forces qui s'appliquent, c'est d'abord le poids. Hein, le câble a un poids qui est dirigé vers la Terre. Ensuite, il y a la force centrifuge, puisque le câble est connecté, enfin la pseudo-force centrifuge, hein, je ne vais pas m'attirer des problèmes avec les profs de physique. Donc la force d'inertie centrifuge due à la rotation de la Terre, qui va pousser le câble vers l'extérieur, qui va contrer la gravitation. Et puis ensuite, il y a les deux efforts de tension. Un qui est dû, si on se situe à un endroit à une certaine hauteur, altitude sur le câble, il y a toute la partie haute du câble qui va exercer une tension et toute la partie basse qui va exercer une tension dans l'autre sens. Quand on écrit le bilan de ces quatre forces, on peut l'équilibrer. Alors il y a deux façons d'équilibrer ces forces, soit en supposant que la section du câble est constante, c'est-à-dire c'est un câble qui a toujours la même section tout au long du câble. La même largeur. La même largeur, voilà. Exactement. Et donc ça donne une première solution, donc 120 000 km, etc. Là c'est la tension qui va varier tout au long du câble. Et la deuxième façon, c'est on peut adapter, on peut faire le bilan des forces et adapter les efforts de manière en compensant tout, en faisant varier la section. La largeur du câble. C'est-à-dire de dire, pour résumer, qu'il serait plus fin aux extrémités et plus large au centre. Exactement, exactement. Et donc dans le premier cas, on tombe sur des valeurs de tension qui font que, comme le disait mon collègue, eh bien, la plupart des matériaux qu'on connaissait avant les nanotubes de carbone, où tout le carbone ne résiste absolument pas, hein, le Kevlar, l'acier, enfin, il n'y a absolument rien, on est à des ordres de grandeur, hein, c'est vraiment quelque chose, c'est n'importe quoi. Par contre, dès qu'on met des nanotubes de carbone, là, ça résiste pratiquement sans aucun problème, on a un facteur 3. Et alors, je parlais d'un câble à section constante. Quand on prend un câble à section variable et qu'on impose qu'il a la même section aux deux extrémités, là, il y a un facteur qui s'appelle le facteur d'air. Quel est le plus gros rapport entre l'air maximal, la section maximale et la section minimale qui est aux deux extrémités? Et alors là, pour l'acier, le Kevlar, etc., on trouve des milliards. Donc ça fait un câble qui est complètement irréaliste. Pour les nanotubes, on trouve un facteur 2. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit deux fois plus large centre qu'aux extrémités. Alors, c'est pas exactement au centre, c'est plutôt du côté de l'orbite géostationnaire. Exactement. Alors, Christophe Bonnel, on va continuer à décrire un peu tout ça, parce que c'est vrai que ce sont des solutions à des équations. Effectivement, il faut comprendre que il y a des notions importantes, c'est celle que vient d'expliquer Jérôme Pérez, la résistance du matériau, la résistance en compression et la hauteur critique. C'est-à-dire que au-delà d'une certaine hauteur, un matériau s'effondre sous son propre poids. Ça, on peut le comprendre assez simplement. Oui, tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé d'avoir une forme variable avec une épaisseur variable. Moi, il y a une façon que j'aime bien d'introduire l'ascenseur spatial. Concrètement, c'est un satellite géostationnaire. Okay, ça, je pense que tout le monde a un scientifique. Donc, géostationnaire, c'est 36 000. Géostationnaire, 35 786, ouais. Au-dessus de l'équateur. Et de ce satellite géostationnaire, on fait pendouiller un câble vers le bas, et pas symétriquement, mais vers le haut aussi, de manière à garantir que le centre de gravité reste bien en orbite géostationnaire, sinon il va commencer à dériver. Et le fil qui pendouille, on le fait pendouiller jusqu'à la surface de la Terre. Ce qui est étonnant, c'est donc, à la surface de la Terre, on va accrocher le fil, mais il n'y a aucune tension là-dedans. Ça peut être un cheveu, on l'accroche juste de manière à ce qu'il ne vole pas avec le vent, mais c'est tout. Ce qu'il faut bien comprendre et ce qu'il faut rappeler, c'est que l'orbite géostationnaire, c'est un satellite que, pour nous, observateurs, qui ne bouge pas, c'est-à-dire qui est toujours exactement synchronisé avec le point de vue de l'observateur. Il est droit et il ne va pas se déplacer dans le ciel, contrairement à d'autres satellites qui sont plus bas et qu'on voit tourner. Donc la révolution autour de la Terre est égale à la rotation de la Terre, 23h56. C'est ça. Et donc, on a ce double câble. Pourquoi est-ce qu'il faut continuer? Pourquoi est-ce qu'on ne s'arrête pas à l'orbite géostationnaire? Parce que précisément, si on avait tout le câble en dessous de l'orbite géostationnaire, le poids du câble fait que le centre de gravité serait en dessous. Et donc s'il est en dessous, à ce moment-là, le satellite irait plus vite que le point de la Terre qui est en dessous. Donc ça veut dire qu'il faut continuer à le prolonger, donc a priori à peu près de la même distance, mais alors, on peut tricher avec ça parce qu'on peut mettre un contrepoids. On peut mettre un contrepoids, et pendant longtemps, l'idée c'était d'aller capturer un petit astéroïde. Hop, on chope un petit astéroïde et puis on l'accroche au bout du câble. Alors évidemment, il faut l'accrocher à une altitude qui va bien, de manière à pouvoir profiter quand même des portes vers le reste du système solaire. Donc il y a la porte à 42 000 km qui permet d'aller vers la Lune. Donc évidemment, le contrepoids, on le mettra au-dessus de ça. Mais par contre, on n'a pas forcément besoin d'avoir la totalité des... mine de rien. 72 000 km, c'est fait 120 000 km au total, c'est quand même un tiers de la distance Terre-Lune. Bon, je vous laisse imaginer les perturbations gravitationnelles, parce que ce qu'a décrit Jérôme, c'est vraiment les forces de base. Mais après, il y en a plein d'autres qui perturbent bien l'attraction gravitationnelle. La Lune, la Terre, la forme du géoïde terrestre, etc. Et qui font que le câble ne se comporte absolument pas comme un gentil câble d'ascenseur de la maison de la radio. Alors, on parlera tout à l'heure des perturbations, de l'endroit où il faut fixer l'ancre ou la plateforme, puisque il y a a priori donc plus de poids. Tout ça est tenu en équilibre mécanique stable. Un mot, c'est ce que Pearson décrit, et c'est effectivement ce que disait Christophe Bonnel, comme une tour en tension. C'est-à-dire que c'est finalement la tension qui permet à ce système-là d'être fixe et stable sans avoir besoin de l'arrimer ou de l'accrocher. C'est l'ensemble des forces auxquelles il est soumis. Et donc si on rajoute un contrepoids, ça crée une autre force complémentaire, la force de traction exercée par ce contrepoids. Et donc on peut équilibrer toutes ces forces et faire en sorte qu'on peut avoir une tension qui est effectivement très faible au niveau du sol, pour éviter d'arracher la structure qu'on pourrait construire pour utiliser ce câble à des fins diverses et variées dont on va parler, j'imagine. Bien sûr. Alors, on parlera ça dans la deuxième partie. On parle des forces de tension, Jérôme Pérez, mais il y a aussi les forces de torsion, parce qu'on imagine bien que ce câble, il est soumis à un certain nombre de forces à différents, d'ailleurs, endroits de sa longueur, et que le câble, il ne va pas rester droit impeccablement, il va bouger un peu. Alors, et je ne suis pas mécanicien, mais c'est un problème qui est assez simple à comprendre. Il y a des forces de traction, on étire. Il y a des forces de compression, on peut comprimer le câble dans le sens de sa longueur. Puis il y a des forces de torsion, c'est-à-dire que on peut tourner autour de l'axe du câble, le câble peut se déformer. Donc il y a ces trois efforts à considérer. Tous les calculs qui ont été faits dans les articles dont on a un petit peu parlé là, et notamment dans le rapport de la NASA du début des années 2000 et puis quelques-uns complémentaires, c'est essentiellement les efforts de traction qui ont été pris en compte qui sont les plus importants. Mais dans une phase de réalisation, si on fait ce projet dans le futur, il faudra étudier bien sûr les efforts de traction, de compression et de torsion. Un mot sur ces autres forces à compenser ou à prendre en considération. En fait, faut imaginer, c'est vraiment un fil très très très fin. Donc évidemment, il faudra prendre en compte la torsion, mais elle est corrigeable avec la plateforme en géostationnaire, par exemple, qui permet de contrer un effort en torsion. Par contre, là où ça pose des problèmes, c'est au niveau de la dynamique, c'est-à-dire les battements latéraux que peuvent avoir le câble. C'est exactement une corde de guitare, hein, elle est tendue, etc. Mais par contre, elle peut bouger en bas. Bien, elle bouge très bien, elle vibre très bien. Mmh. Et donc là, quand vous avez quelque chose qui vibre sur 36 000 ou sur 100 000 km, la vibration peut être très importante, aussi bien dans le plomb qu'en travers. Et donc ça... Mais vous dites, Christophe, vous avez un truc intéressant, je vous redonne la parole tout de suite, Jérôme Pérez, vous dites, par exemple, avec ce type de câble, au milieu du câble, on ne sait pas où il se situe à un kilomètre près? Oui, voilà, au moins un kilomètre près, oui. Donc c'est qu'il y a quand même un mouvement important. Alors je change ma casquette et je passe à ma casquette débris. Oui. Vous savez qu'aujourd'hui déjà quand on sait où un objet orbital, un débris se trouve, généralement c'est à 500 mètres près, voire un kilomètre. Donc là et encore l'objet, ben on voit, il est ponctuel, etc. Un câble comme ça qui bouge, qui vibre, qui ballotte, là on a absolument pas idée au milieu du câble de à un kilomètre près. C'est simplement si vous avez un câble de 100 000 kilomètres. Un kilomètre, c'est une toute petite longueur, donc on ne sait pas, c'est le degré de précision qu'on a sur la position. Il y a une chose qu'on n'a pas précisé, c'est ces dimensions, la section dont on a parlé. La largeur. Donc. La largeur et l'épaisseur, donc c'est très fin. Donc la largeur, ça peut aller entre 1 cm à l'extrémité, peut-être à disons 1 mètre pour éviter d'être résilient à divers problèmes dont on va parler. Donc c'est quelque chose qui fait au maximum quelques dizaines de centimètres de large, et son épaisseur, alors là, c'est moins de 8 mm. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est une grosse bande de cassettes vidéo, de VHS, mais un peu plus large, qu'on déploierait. Oui, de façon pratique, oui, tu as tout à fait raison, mais de façon pratique, on choisit une largeur de 1 mètre, à peu près. 1 mètre, voire plus. Pour des raisons sur lesquelles on reviendra peut-être après, qui est le moteur qui doit s'accrocher, etc. Il ne faut pas qu'il s'accroche sur une section qui est trop faible. C'est trop faible, et puis on imagine qu'un centimètre, même si sur le câble. Donc ce qu'on a, c'est une feuille de papier de 1 mètre de largeur, et comme tu dis, de quelques microns d'épaisseur. Et 100 000 km de long. Alors, on posera tout à l'heure les questions de sa production, parce qu'il faut les produire, surtout si on veut les produire en nanotubes de carbone. Le développement des nanotubes de carbone, on sait en produire en laboratoire, mais alors de là, produire 100 000 km sur 1 mètre de largeur, il y reste encore un peu de boulot. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous vous êtes rendu à Bordeaux pour comprendre justement comment on produit ce matériau qui pourrait être la réponse au casse-tête de l'ascenseur spatial. Oui, et j'ai rencontré Philippe Poulain qui est physico-chimiste et chercheur CNRS au centre de recherche Paul Pascal de l'université de Bordeaux. Quand on parle de matériaux pour l'ascenseur spatial, le casse-tête est conséquent puisqu'il faut un matériau qui puisse être en quelque sorte souple et solide à la fois. Or, ces deux propriétés sont rarement compatibles, sauf dans le cas de la soie d'araignée. Depuis quelques décennies, on s'intéresse pourtant à un matériau qui regroupe ses propriétés à l'échelle nanométrique, les nanotubes de carbone, vous le disiez. Philippe Poulain nous explique comment ces nanotubes sont conçus, pourquoi ils regroupent ces deux propriétés, mais aussi l'intérêt qu'ils ont suscité dans le cadre des recherches autour de l'ascenseur spatial, des propriétés qui malheureusement ne peuvent pas encore être transposées à l'échelle macroscopique. Les nanotubes de carbone sont, comme leur nom l'indique, des petits tubes très très fins qui font un nanomètre. Un nanomètre, c'est 100 000 fois plus fin qu'un cheveu. Et ces particules ont été découvertes il y a une bonne trentaine d'années. Et elles ont beaucoup intéressé la communauté scientifique parce que ces nanotubes de carbone ont des propriétés mécaniques et électroniques très intéressantes. Et le grand défi dans ce domaine-là, c'est de bénéficier de ces propriétés à une échelle macroscopique, pas à l'échelle de 100 000 fois plus petit qu'un cheveu. Les propriétés qui ont beaucoup excité les chercheurs dans les années 90, c'est les propriétés électroniques, parce que les nanotubes de carbone, selon l'arrangement des atomes de carbone, peuvent être conducteurs ou semi-conducteurs. Et donc, on a rêvé de composants électroniques miniaturisés à l'extrême, je vais en parler du nanomètre. Mais en fait, aujourd'hui, on a énormément de mal à exploiter ces propriétés. Donc, on fait des recherches sur d'autres types de propriétés, comme les propriétés mécaniques, pour voir que les nanotubes de carbone, à leur échelle, sont les matériaux qui, aujourd'hui, sur Terre, sont les plus légers et les plus résistants. Donc là, je vous montre des nanotubes de carbone juste après leur synthèse. Donc, ils se présentent tout simplement sous la forme d'une suie, d'une poudre très légère, dans laquelle on a ces fameux nanotubes de carbone. Mais sous cet état-là, sous forme de poudre, vous voyez bien qu'ils sont inutilisables. Donc le défi scientifique, c'est de transformer cette poudre en quelque chose qu'on va pouvoir manipuler. Et ici, en fait, on a développé des procédés qui commencent par la dispersion de cette poudre ou la solubilisation de cette poudre dans des liquides. Et là, je vous montre un échantillon. Vous voyez une solution parfaite de particules de carbone. Voilà, ça peut être dans l'eau, ça peut être dans des solvants organiques. C'est là qu'il y a tout un savoir-faire de chimie pour réaliser ces dispersions. Et une fois qu'on a ces liquides, eh bien, on va pouvoir réaliser, là vous pouvez l'utiliser comme une peinture, comme un précurseur pour faire du filage. Là ça ouvre la porte à différentes utilisations. Quelle est l'étape suivante? Une fois qu'on a le liquide, concrètement, comment on va pouvoir fabriquer un matériau à base de nanotubes de carbone? Si vous voulez tout simplement juste faire un revêtement conducteur, par exemple, eh bien vous l'étalez comme vous étalez de la peinture, vous étalez ce liquide, c'est pas plus compliqué que ça. Vous pouvez l'utiliser aussi comme une encre, vous pouvez imprimer des circuits électroniques avec ce genre d'encre. Et tout à l'heure on parlait de fibres, eh bien pour faire des fibres, je vais vous montrer la manip en bas, là on injecte ce liquide dans un autre solvant dans lequel les nanotubes ne sont pas solubles, ce qui fait que les nanotubes vont coaguler dès qu'ils vont rencontrer cet autre solvant. Et lorsqu'ils coagulent, si vous faites cette opération en tirant sur les nanotubes qui sont en train de coaguler, eh bien vous tirez un fil. C'est un procédé qui existe déjà pour filer d'autres types de polymères. Là, on le fait avec des nanotubes de carbone. Si vous voulez, on peut aller voir ça ensemble. Une autre salle, une autre ambiance. Oui, voilà. Et alors ici, vous voyez, donc c'est une ligne de filage qui reste un outil de recherche. Hein. On n'est pas sur des manips même pilotes. Hein. Mm-hmm. Mais vous voyez que c'est quand même une ligne de filage qui fait plusieurs mètres de long. Avec des bobines comme pour du fil classique. Exactement, sauf qu'on travaille à une plus petite échelle ici que dans l'industrie. Et on part donc de ces solutions qu'on a vues, nanotubes de carbone, qu'on va injecter dans un bain qu'on appelle un bain de coagulation. Ce type de bain-là, vous pouvez voir, qui fait un peu plus d'un mètre, 1,50 m. Donc là, le fil se forme, il circule, on le tire, et il y a des moteurs donc, qui entraînent le fil. Ensuite, la fibre, elle est lavée. Donc là, c'est le même type de bain, mais c'est des bains de lavage pour enlever justement tous ces solvants. Et enfin, en bout de ligne, oui, on a ici un four qui permet de sécher la fibre. Et enfin, elle est récoltée à la fin sur un bobinoir. Une fois qu'on a ce matériau-là, bien on regarde ses propriétés. Comment vous allez les tester, ces propriétés-là? Alors, d'un point de vue mécanique, ce sont ce qu'on appelle des machines de traction. Donc les fils sont collés sur des mors et puis serrés. Mm-hmm. Et ces machines donc, mesurent la force qu'il faut pour déformer la fibre, mm-hmm. en allant jusqu'à sa rupture. Et ce qui nous a surpris, c'est qu'au départ de ces travaux-là, compte tenu des propriétés à l'échelle du nanomètre, je disais hein, tout à l'heure, du nanotube de carbone, on attendait à avoir des fibres très rigides. Et en fait, ce n'est pas ce qu'on a observé. On a observé des fibres qui étaient assez rigides, mais aussi déformables. C'est ça qui en a fait tout leur intérêt. Il faut voir qu'il y a 20 ans, sur Terre, le matériau qui avait la plus grande capacité à absorber de l'énergie était un matériau naturel, c'était la soie d'araignée. Depuis la découverte des nanotubes de carbone et la réalisation de fibres en nanotubes de carbone, eh bien l'homme a pu enfin dépasser l'araignée. Et aujourd'hui, on arrive à faire des matériaux qui peuvent absorber plus d'énergie que le fil d'araignée. Alors notre émission, nous, on la consacre aux ascenseurs spatiaux. Dans ce contexte de recherche très très préliminaire, on va dire, quel pourrait être l'intérêt des nanotubes de carbone, sachant que ça a été évoqué pendant un temps comme la solution miracle pour concevoir cet ascenseur spatial? L'ascenseur spatial impose des contraintes mécaniques très importantes. Quand on regarde les propriétés du nanotube de carbone, à l'échelle du nanomètre encore, 100 000 fois plus fin que le cheveu, et sa densité aussi, ce sont des matériaux très légers, eh bien là, on se rend compte qu'ils peuvent satisfaire aux conditions demandées pour l'ascenseur spatial. Même si dans la pratique, on sait bien que ce n'est pas quelque chose qui va être réalisé, hein, 36 000 km de câbles. Et surtout, l'autre problème, c'est que ça, c'est les propriétés d'un nanotube de carbone qui a un très petit diamètre, qui a une longueur qui est de l'ordre du micron. Donc ces propriétés-là, il faut les extrapoler à une échelle macroscopique. Et là, il faut être capable soit de synthétiser des nanotubes de carbone qui font 36 000 km de long, sans aucun défaut, ce qui aujourd'hui est complètement irréaliste, soit il faut les assembler et donc passer par un liquide, faire coaguler, faire une fibre. Mais quand on fait cette opération-là, on se rend compte qu'on ne retombe pas sur les propriétés du nanotube de carbone. Parce que les nanotubes de carbone, bien, peuvent quand même glisser les uns par rapport aux autres, donc ça donne de la déformabilité Et donc on a cette combinaison déformabilité et rigidité. Mais on n'a pas la très grande rigidité qu'on aurait pu attendre en extrapolant ce qu'on voit à l'échelle du nanomètre, en l'extrapolant directement à notre échelle. Les propriétés dépendent de façon critique de la qualité des nanotubes de départ. Et aujourd'hui, les très bonnes propriétés sont obtenues avec des nanotubes de très haute qualité. Ces nanotubes-là sont encore très chers. Pour moi, c'est la principale limitation. C'est-à-dire que si on pouvait avoir ces nanotubes de très haute qualité en grande quantité, on pourrait plus vite améliorer les fibres et s'approcher de fibres bien plus performantes que les fibres qu'on a aujourd'hui, fibres de carbone, fibres de verre, ou ce genre de choses. Voilà, sur les nanotubes de carbone, leur fabrication et bien les étapes qu'il reste encore à franchir avant de réussir à en produire un, non pas de 30 000, mais de 100 000 et quelques kilomètres pour un éventuel futur ascenseur spatial. Votre réaction l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Christophe Bonnard? Oui, j'ai tendance à me souvenir de, je crois que c'était le nylon, où le nylon, on a d'abord produit 1 mm, puis 2, puis 5, puis 10 mm, puis 10 000 kilomètres, parce qu'un gars avait trouvé le catalyseur qui allait bien, et donc... J'ose espérer, mais je suis peut-être un doux rêveur, et j'ose espérer que ça peut être la même chose. C'est-à-dire le reportage, là, à l'instant, était passionnant, vraiment décrit très bien l'état des lieux aujourd'hui. Aujourd'hui, bon, demain, peut-être qu'il y aura autre chose. Demain, on trouvera peut-être autre chose. Jérôme Pérez. Oui, et puis, je suis tout à fait d'accord avec cette idée. On est au début, hein, ça fait, disons, une vingtaine d'années maximum qu'on a développé et produit ce genre de choses. On l'a pas développé et produit pour les applications dont on parle aujourd'hui, hein, l'ascenseur spatial. On l'a produit, développé pour tout un tas de choses. Il y a très très peu d'intérêt économique pour le moment. C'est en train de se réveiller. Je crois qu'il y a l'armée américaine qui est très intéressée pour fabriquer des gilets pare-balles en nanotubes de carbone ou en Kevlar, avec ce genre de matériaux. À partir du moment où on met les moyens et on investit dans la production, on n'est pas à l'abri d'idées, comme vient de le dire mon collègue, pour développer et faire des choses. En tout cas, il n'y a pas d'impossibilité technique. C'est ça qui est bien avec ce problème. Il faut le prendre par le bon biais. Le bon biais, c'est d'abord commencer à faire des calculs pour voir si c'est possible. Hein, il y a plein de choses qui sont impossibles quand on fait les calculs. Là, c'est pas impossible. Et ensuite, il y a des contraintes que doit avoir le matériau, mais la différence entre la tension de rupture et la tension du nanotube, c'est un facteur 6 en faveur du nanotube. Donc, on n'est pas à l'abri dans quelques années d'en fabriquer. Moi, j'y crois. Vous avez une image qui me reste et qui m'a engagé à poursuivre et à faire cette émission. Vous dites finalement, quand on lance ITER, on sait pas faire de confinement électromagnétique de plasma. Alors, on a des idées. On sait ce qu'il faut faire. Voilà. On sait ce qu'il faut faire, mais on n'a pas les solutions techniques pour le faire. On sait pas quel matériau il faut utiliser pour isoler thermiquement un plasma qui était à la température du centre du soleil ou même plus, et des supraconducteurs à quelques mètres qui sont à quelques Kelvin. On ne sait pas produire du tritium. On sait pas. Enfin, il y a plein de choses qu'on ne sait pas faire et qu'on a appris à faire en faisant ITER. On avait fait tout un tas de briques élémentaires qu'on a assemblées dans ITER. Pour l'ascenseur spatial, on n'en est pas là. C'est-à-dire on a beaucoup. À mon avis, c'est un problème qui est moins compliqué d'un point de vue technologique. Christophe Bonnel. Oui, au niveau de la fusion, quand même, bon, je fais une parenthèse, c'est quand même un chemin progressif. Je rappelle que déjà dans les années 60, à Fontenay-aux-Roses, on confinait des plasmas. Mon père, notamment. Voilà. Fin de la parenthèse. Au niveau nanotubes de carbone, je crois qu'il y a un point qui est important de comprendre. C'est évidemment, ces matériaux-là, ils vont pas être développés pour l'ascenseur spatial. Ils vont être développés parce qu'il y a 36 000 autres sujets. Jérôme parlait des gilets pare-balles et autres. Bon, il est clair, déjà aujourd'hui, des nanotubes, on en a dans les raquettes de tennis, on en a dans les skis, on en a dans... c'est pour la pub, ça fait bien, mais également, ça apporte une rigidité très grande et tout. Il y a un matériau qui nous intéresse beaucoup, même au-delà des nanotubes de carbone, c'est ce qu'on appelle les graphènes. Mm-hmm. Graphène, donc, il faut imaginer, c'est une feuille de carbone, c'est comme un nanotube, mais déroulé, déplié. Ouais. Et ça, sauf erreur de ma part, je crois que maintenant, on sait en faire 1 mètre carré. Hein, vous voyez. Et ça, ça serait très bien comme matériau de base pour le câble. Alors il faut bien, c'est pas un câble, hein, mais pour la nappe de l'ascenseur. Où là, ben, directement, on aurait des nappes de graphène qui sont déjà en bonne forme pour ça. Par contre, bon, reste tous les problèmes dont on parlait, les défauts et autres. Alors il reste évidemment à produire cela, et puis on va voir qu'il reste aussi un certain nombre de problèmes logistiques. Comment et où installer l'ancre, la base terrestre, comment faire pour faire en sorte de conserver, de préserver l'intégrité de cet immense câble ou nappe de 100 000 km de long. On en parle dans un instant, restez avec nous. Elevator Operator de The Rays à 16h40 sur France Culture, puisque nous parlons d'ascenseur, mais d'ascenseur spatial, s'il vous plaît, en compagnie de Jérôme Pérez, qui est enseignant-chercheur en astrophysique théorique à l'ENSTA Paris, Institut Polytechnique de Paris, et Christophe Bonal, chercheur au CNES, président des commissions débris spatiaux de l'Académie internationale d'astronautique. Alors maintenant qu'on a le matériau avec les problèmes que nous avons soulevés, il reste encore donc un certain nombre de problèmes ou d'obstacles avant de déployer cet ascenseur spatial. Notamment la localisation d'où il part, Jérôme Pérez. Alors il part forcément de l'équateur, sinon on a un problème de dynamique, hein, c'est pas stable. Donc il faut forcément l'implanter à l'équateur. Donc quand on regarde un peu la carte du monde, hein, l'équateur est assez occupé, soit par des terres, soit par des océans. Et là on commence à entrer dans les différents problèmes qui vont se poser. Un des problèmes principaux qui vient à l'esprit, c'est quand on met un câble comme ça très très long, et notamment dans les premières parties de l'atmosphère, on va récupérer, ça va servir de paratonnerre en fait. Il faut éviter les endroits où il y a beaucoup d'orages. Et à l'équateur, il peut y en avoir, sauf à un endroit sur Terre qui a été identifié aux alentours des Galapagos, où il n'y a jamais d'orage. On ne sait pas très très bien pourquoi, mais depuis qu'on repère et qu'on compte les orages, qu'on les dénombre, ben, il n'y en a pas. Donc ça serait un bon endroit pour implanter la base, en tout cas, la partie attachée sur la Terre, on l'implanterait là, sur l'équateur. Comme c'est au milieu de l'océan, il faudrait installer de quoi arriver à cet endroit. Alors il y a une société qui s'appelle Obayashi, alors on ne sait pas très bien si c'est juste à titre publicitaire, etc. Qui a fait, grosse société de BTP japonaise, oui, c'est l'équivalent de Bouygues, grosso modo. Voilà, ils ont tout prévu, hein. Ils ont dit, voilà, on va construire une espèce de tunnel sous-marin qui va arriver à la base de lancement. Il y a des films sur YouTube, etc. C'est bien vendu. Hein. On ne sait pas très bien où ils en sont. Si, ils se sont réveillés récemment en disant que c'était prévu pour 2050, que tout était dans les cartons, ça marchait bien. Donc il faut d'abord construire la base au niveau des Galapagos. Ensuite, il faut amener les gens à la base, parce que l'intérêt de cette machine, hein, c'est de s'en servir. C'est pas uniquement de faire un câble qui est attaché à la boule de la Terre pour la beauté du geste. L'idée, c'est de se servir de cet appareil, de cet ascenseur, pour aller dans l'espace. Alors, une fois qu'on a construit le câble, donc on peut monter dessus, comme dans un ascenseur. Donc on met un appareil, il y a différentes formes de choses qu'on peut imaginer. Quelque chose qui va rouler sur cette espèce de bande vidéo là. Des grandes roues qui vont tourner dessus, qui vont s'appuyer et qui vont monter le long du câble. Alors, ça peut être propulsé de différentes façons, soit par un moteur électrique, soit par une pression de radiation, c'est-à-dire on installerait une usine qui produirait un laser de puissance et qui, en tirant sur l'arrière de la nacelle, le pousserait le long du câble. Mais une fois qu'il est sorti de l'atmosphère Non, dès le départ. Jusqu'à, okay. On peut focaliser le laser avec différentes lentilles, etc. Ça marche. Ça a été assez bien testé. À partir du moment où c'est devenu un projet assez plus du tout irréaliste, il y a les plus gros efforts ont été faits de ce côté-là. Est-ce qu'on peut utiliser la pression de radiation d'un laser pour pousser les fesses de cette nacelle qui monterait le long du câble? Oui, parce qu'il y a quand même de la distance à parcourir, hein. 100 000 km, ça se fait pas en une demi-heure. Alors, l'ordre de grandeur qu'il faut retenir, c'est quelques jours, de minimum 3 jours et maximum, enfin, entre 3 jours et une semaine, suivant la vitesse à laquelle on va. Il faut pas monter trop vite parce que il y a des problèmes de force d'inertie de Coriolis qui se posent si on va trop vite. Donc l'ordre de grandeur, c'est quelques centaines de kilomètres heure le long du câble. Et donc pour faire 100 000 kilomètres, bah, c'est quelques jours, hein, le long du câble. Et on arrive en haut à un tiers de la distance Terre-Lune. Donc au début, on est poussé par un laser de puissance pour sortir de l'atmosphère, disons les 100 premiers kilomètres. Et ensuite, une fois qu'on est à 100 kilomètres, voire plus, bah, là, il n'y a plus aucun problème. On récupère les 1400 watts par mètre carré que nous fournissent gratuitement le soleil. Et là, en dimensionnant un moteur électrique, hein, ça faisait partie de la deuxième partie du sujet que j'avais posé à l'époque, on arrive à produire la quantité de puissance qui est suffisante. En mettant des panneaux solaires, on a vraiment beaucoup d'énergie quand on est sorti de l'atmosphère. Mais sur un câble aussi résistant soit-il, d'à peine quelques dizaines de centimètres de large, on peut fixer une charge utile de combien de kilos? Ça a l'air très très fin et très léger. Donc comment est-ce qu'on peut accrocher une masse aussi lourde? Il faut imaginer qu'on a deux roues qui comprime, voilà, le câble entre les deux, et donc qui, par friction, tient sur le câble. Et qui, après, roule, comme ça, le long du câble. Donc, déjà, alors, le câble, il faut savoir un peu ce qu'il devient quand on l'écrouille, comme ça. Hein, et, par contre, la puissance électrique pour monter, c'est de l'ordre de 20 mégawatts. Alors, 20 mégawatts, c'est quoi? Un TGV, c'est 10 mégawatts. Donc, il faut quand même imaginer, c'est une espèce de train qui va faire 36 000 km la montée, 36 000 km la descente, voire plus. Donc, un aller-retour, c'est deux tours de la Terre, avec une puissance de deux fois un TGV. Et on se pose. Ça commence à coûter cher en énergie, quoi. Ben, où est la réparation si je tombe en panne au milieu? Oui. Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais chercher le mécanicien qui vient réparer la motrice? Et donc là, au point de vue de la transmission de puissance et le rendement global, parce qu'évidemment mes rouleaux comme ça c'est pas un rendement terrible, globalement la transmission d'énergie, c'est quand même un des sujets majeurs. Alors c'est un des excellents sujets justement de synergie du sujet de l'ascenseur spatial. C'est ça qui est formidable avec l'ascenseur, il y a plein de sujets qui sont synergétiques sur des idées auxquelles on n'aurait pas pensé. Justement, cette transmission d'énergie à distance, et qui est quelque chose dont on parle de plus en plus, notamment pour récupérer l'énergie solaire et l'abîmer vers le sol, qui serait une très bonne idée pour résoudre tous nos problèmes d'approvisionnement énergétique. Ça, c'est quelque chose qui a beaucoup, beaucoup évolué grâce aux études sur l'ascenseur spatial. Par exemple, nos amis japonais ont réussi à faire une transmission d'énergie entre deux îles japonaises, distantes de, je sais plus, 150 km l'une de l'autre. Ce qui est pas mal, 150 km. Sachant que, alors là, pour le coup, eux, ils étaient très fortement perturbés par l'atmosphère et autres, ce qui serait pas le cas dans le, quand on est dans le vide. Il y a un obstacle important aussi, là je m'adresse à vous Christophe Bonal, c'est qu'une fois qu'on a déployé cet ascenseur spatial, il y a un problème, c'est que l'orbite terrestre n'est pas neutre, il y a plein de choses qui circulent autour, il y a des satellites, mais il y a aussi plein de déchets. Et il y a plein de débris, et un débris qui casse, on a l'impression que c'est quand même assez fragile, ce petit câble de quelques centimètres de largeur. Comment on fait pour se prémunir des déchets, des débris? Alors fragile n'est pas forcément le mot qui va bien, mais par contre là où vous avez tout à fait raison, c'est qu'un impact d'une bibille de 1 mm, c'est la même énergie qu'une boule de bowling lancée à 100 km à l'heure. Donc on montre que ces matériaux ne peuvent pas résister à des impacts de 1 mm, 1 cm, 10 cm. 10 cm c'est 25 kg de TNT, hein, au point de vue énergie. Donc premièrement, il y aura des trous. Parce que les objets de 1 cm, on les voit pas. Et par exemple, on estime qu'il y a 14 impacts de 1 mm par jour. Hein, où il y a 2 impacts de 1 cm par semaine. Sur le futur ascenseur. Donc vraiment des trous. Donc il convient de primo d'identifier, parce que vous savez pas où est le trou, à quel endroit. Enfin, c'est pas trivial. Mais s'il y a un trou, l'ascenseur bouge pas. S'il y a un trou, il passe. Mais par contre, évidemment, localement, c'est moins résistant, donc idéalement, il faut quand même aller réparer le trou. Donc les promoteurs de l'ascenseur disent que au fur et à mesure qu'on monte, on a le kit d'Araldite qui permet d'aller reboucher et puis de réparer. Mais ça veut dire il faut réparer en continu à chaque fois qu'on monte, à chaque fois qu'on descend. Donc du coup, les 200 km à l'heure, bon, faut voir comment on sait réparer quelque chose à 200 km à l'heure, hein. Mais ça, c'est un vrai problème. Et le problème supplémentaire là-dedans, le vrai problème avec, alors c'est pas seulement les débris, c'est également les satellites actifs. Tout le monde a entendu parler de Starlink. Des constellations, bien sûr. Bon, aujourd'hui, il y a 2000 Starlink. Demain, il y en aura 12 000. Après-demain, il y en aura 42 000. Bon, il faut réussir à passer cette épaisseur-là. Et c'est là où on rentre un peu dans le volet statistique. On saura où est le satellite. On saura pas bien où est le câble. Et donc là, il y a tout un effort. On saura le faire. Pas de problème. Mais de signalisation spatiale et de manœuvres nécessaires pour essayer d'éviter les collisions. Jérôme Perret, sur cette question, ça paraît être quand même un gros enjeu. Oui, c'est un gros enjeu, mais bon, on fait. Faut pas s'arrêter parce qu'il y a des enjeux. Il y a des enjeux devant nous. Personne ne s'arrête. Un mètre, comme on a dit, si on fait un mètre de section, si on a un petit trou d'un centimètre et qu'on sait réparer le câble à chaque fois qu'on monte et chaque fois qu'on descend, ça peut. Il faut avoir des idées. Alors, il y a d'autres problèmes, hein. Là, c'en est un majeur, hein, les débris spatiaux, et qu'on peut estimer que statistiquement et qui va de pire en pire parce qu'on met de plus en plus de débris autour de la Terre. Hein. Et c'est un problème qui est concentré dans les 1000 premiers kilomètres. Hein. Donc c'est vraiment un problème qui est juste à côté de la surface de la Terre. Il y en a qui sont à beaucoup plus grande échelle. Hein. Alors il y a d'abord tous les problèmes de transmission. Vous savez que le vent solaire, c'est des particules chargées. Le rayonnement, etc. Donc est-ce qu'il y a pu y avoir des courants qui peuvent se propager le long de ce câble induit par le mouvement dans un champ magnétique, hein, le mouvement d'un câble dans un champ magnétique, ça crée des courants. Donc là, il n'y a pas trop de problèmes à ce niveau-là. Ça fait c'est très léger, c'est pas de problème. Autre problème qui se pose et qui est pas du tout à négliger, c'est les perturbations. Vous savez, quand vous avez une corde qui est attachée et que vous excitez vous bougez une des extrémités, eh bien, la corde, il y a une onde qui va se propager dans la corde. Or, vous savez que la Lune exerce sur la Terre une force de marée qui fait que la surface de la Terre se déforme, la croûte terrestre, hein, se déforme de 3 cm d'amplitude tous les jours, toutes les 12 heures même. Il y a 2 marées par jour. Et donc cette sollicitation, cette amplitude de variation de la hauteur de la Terre va se propager le long de la corde. Et si on ne fait pas attention à la tension qu'on met dans la corde, dans la corde de l'ascenseur, hein, bien sûr, eh bien, ça peut créer des résonances qui peuvent détruire la corde. Donc il faut faire attention à ça. Mais les calculs ont été faits, on s'en sort. Le problème des rayonnements pour les personnes qui seraient à l'intérieur de la cabine, parce que d'un seul coup on reste plusieurs jours assez loin, moins protégé de la magnétosphère terrestre. Ouais. Avec des vents ionisés, qu'est-ce qu'on... Alors, c'est un problème, ça, quand on est dans un vaisseau spatial. puisque le vaisseau spatial, il faut l'extraire de la gravité de la Terre, donc il faut le mettre dans une charge utile de fusée, et donc on peut pas mettre, par exemple, un vaisseau spatial en plomb qui permettrait de se protéger de ce rayonnement. Par contre, quand on est dans le cadre d'un ascenseur spatial, la charge utile elle peut être beaucoup plus importante et on peut faire une cabine qui est beaucoup plus blindée de ce côté-là. Donc on peut... on peut pas mettre non plus des centaines de litres d'eau. Voilà, on peut être beaucoup plus résilient de ce côté-là, puisque on est amarré sur la Terre. Et donc la charge utile peut être importante. C'est un des gros avantages de l'ascenseur spatial. On peut déployer des charges utiles très très importantes, ce qui n'est pas le cas des fusées. Et ce qui sera jamais le cas avec les fusées, avec les moyens de propulsion qu'on a. Jusqu'à combien les calculs donnent? Alors, quelle charge utile on peut mettre? Dans les calculs que j'ai vus, hein, peut-être Christophe est mieux placé que moi pour le dire, mais on peut aller jusqu'à une centaine de tonnes, hein, on peut monter comme ça, une centaine de tonnes. Alors si on veut les implanter durablement sur la Lune, ça, c'est un moyen qui me paraît incontournable. Hein. On ne va pas envoyer des centaines et des milliers de tonnes par mois à travers des fusées pour aller équiper la Lune pour pouvoir s'y implanter. Alors justement, puisqu'on arrive à la fin de cette émission, question de l'ascenseur spatial. On voit bien qu'il y a encore un certain nombre de problèmes techniques et on n'a pas parlé du coût qui est pour le moment a priori un coût assez important encore selon les... Pas tant que ça. Combien vous dites ? 100 milliards de dollars. 100 milliards de dollars, c'est... La moitié de la Coupe du Monde au Qatar. Bon. C'est une bonne mesure. La question, Christophe Bonnel, pour conclure, l'ascenseur spatial, fort bien, mais pourquoi faire ? C'est une excellente question. Alors, j'ai hésité à botter en touche d'abord. Il est clair qu'avec le principe même de l'ascenseur spatial, c'est très bien pour aller en orbite géostationnaire. 36 000 km, circulaire, 0 degré d'inclinaison, donc au-dessus de l'équateur. Il est évident qu'avec l'ascenseur spatial, on ne peut pas aller, par exemple, en orbite basse pour des satellites d'observation classiques qui sont à 800 km et polaires à 90 degrés. Ça ne marche pas. On ne sait pas passer de l'un à l'autre. Pareil, par exemple, avec même Galileo, par exemple, on ne saurait pas lancer Galileo avec un ascenseur spatial. On est limité, on est vraiment contraint à ce zéro degré. Après, on peut... Alors, bon, c'est bien, géostationnaire, c'est bien. Malheureusement, il y a de moins en moins de satellites géostationnaires, parce que maintenant, vous regardez la télé non plus à travers un satellite, mais à travers Internet. Et après, donc, il y a la possibilité, donc, tout ce qui est sonde spatiale, lunaire, martienne et au-delà. Ça, c'est formidable. Pour envoyer plus loin. C'est formidable, mais il faut se souvenir que déjà aujourd'hui, le coût du lancement ne représente guère que 10% du coût d'une mission. Hein, si vous regardez, par exemple, JWST, hein, qui était quand même à 11 milliards et autres, bon, ben, le lancement d'Ariane 5, qui était parfait d'ailleurs, soit dit en passant, faisait dans les 10% du coût de lancement. Donc, même dans un cas absolument extrême où on arriverait à économiser tout et d'avoir le lancement gratuit, ben, il reste quand même à développer la sonde spatiale et ça, donc, c'est l'essentiel des coûts. Jérôme Pérez, sur à quoi ça sert pour conclure? Si vous voulez donner accès à l'espace à l'humanité, c'est un moyen efficace. Ça coûte, une fois que c'est construit, l'accès à l'espace, il est quasiment gratuit. Il nécessite pas d'avoir des capacités physiques extraordinaires dont sont dotés tous les astronautes actuellement. Donc là, vous pouvez envoyer massivement des gens visiter l'espace, s'implanter ailleurs. Ça fait cher pour du tourisme spatial quand même. C'est pas du tourisme spatial, c'est proposer à l'humanité quelque chose de nouveau et de neuf. Elle va être confrontée à des problèmes conséquents, l'humanité, qu'il va falloir régler. Si on donne pas, si on n'ouvre pas des portes et si on fait pas briller la lumière dans les yeux des gens, à mon avis, on va avoir des problèmes. Et ça peut contribuer à donner de l'espoir. Eh bien, on terminera par cette note d'espoir. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux. Merci à Jérôme Pérez. Merci Christophe Bonnel d'être venu nous parler de cet ascenseur spatial et des perspectives d'espoir qu'elle ouvre pour l'humanité. La méthode scientifique, c'est Mariam Ibrahim, Amel Boucherka, Alexandra Delbault, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette-Saint-Vulfran, Natacha Triou, Céline Lausanne, Olivier Bétard à la réalisation, Audrey Guélil à la technique. Et comme toujours, la méthode scientifique, c'est en podcast sur l'application Radio France, sur franceculture.fr en réécoute à tout jamais jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.